serons tous ensemble pour toujours avec elle, princesse Diana, le joyau magique. Le soleil, les étoiles nous guideront dans le ciel et l'amour dans nos cœurs nous donnera des ailes, princesse Diana, le joyau magique. Les chevaliers, nous sommes les chevaliers. Les chevaliers, nous sommes les chevaliers.